Le raid d'évasion par Olivier de Nance. Chapitre 1er. Évadé poursuivi. Vendredi 4 juin 1976. Après nous avoir secoués dans tous les sens pendant une bonne heure, le camion bâché finit par s'arrêter dans la cour d'une ferme à moitié en ruine. La nuit tombe. Les phares du camion éclairent une petite porte sur la façade en pierre. Avec tout le peloton d'élèves officiers, je viens de passer dans les bois une grosse journée d'entraînement au combat. Nous sommes tous fourbus, et malgré les secousses du camion, nous avons somnolé sur les bancs à l'arrière. Dès l'arrêt, nous rouvrons les yeux. D'une des jeeps qui s'arrête derrière nous, le capitaine saute à terre. « Débarquez !» Le chauffeur du camion est déjà descendu. Il fait le tour et nous ouvre la porte abattante à l'arrière. Il déplie les marchepieds, et nous, les 18 élèves officiers de la 134e promotion de l'école de Saint-Marin, sautons à terre. Je jette un coup d'œil à Paul, mon ami. Que va-t-il se passer? Nous savons qu'une épreuve particulièrement difficile nous attend. Cette sortie, qui boucle notre 3e mois d'instruction, est destinée à tester notre endurance à l'effort, à éprouver notre caractère, en gros à voir ce que nous avons dans les tripes. Donc, nous allons en baver. Mais de quelle manière? Nous ne savons rien des épreuves que les gradés nous ont préparées. Le capitaine ne nous laisse pas le temps de nous poser plus de questions. « Rentrez !» Par la porte basse, éclairée par le camion, nous pénétrons un par un dans une petite salle éclairée par deux lampes à gaz, sans doute une des rares pièces qui est encore un plafond au milieu de ces ruines. À l'intérieur, nous nous serrons debout contre le mur de gauche. En face de nous, le commandant responsable de l'instruction attend devant un tableau de papier blanc. Dès que nous sommes tous réunis en face de lui, il entame son briefing. Messieurs, je ne vais pas vous faire un long discours. La manœuvre, très simple, est la suivante. Vous êtes des prisonniers de guerre, retenus dans un camp, à l'intérieur des lignes ennemies. Grâce à la complicité de partisans, vous avez réussi à vous évader, et vous devez maintenant rejoindre vos lignes à 100 km au nord. Vous n'avez que 48 heures, soit 2 nuits et 2 jours pour les atteindre. Car vous savez qu'une opération ennemie de grande envergure rentre ensuite au déplacement impossible. Vous allez être lâché en camion par groupe de 4, muni seulement d'un plan approximatif dont vous voyez une copie sur ce tableau. Remarquez bien cette rivière, la Devon, à droite du plan. Vous allez devoir la suivre plus ou moins tout au long de votre parcours, jusqu'à la Loire, tout en haut sur le plan. Vous serez rendu dans vos lignes, donc au bout de l'épreuve, quand vous aurez franchi le fleuve. Bien entendu, l'ennemi, figuré par un plastron, ne va pas vous laisser filer comme ça. Vous serez poursuivi jour et nuit jusqu'au bout. Vous devrez tout faire pour ne pas être repris. Si vous vous faites prendre, ce sera un échec, et le plastron vous reculera de 5 km à chaque fois. Soyez vigilants, soyez intelligents, débrouillez-vous. J'allais oublier. La population locale n'est ni pour ni contre vous. Selon les circonstances, elle peut soit vous aider, soit renseigner le plastron. À vous de savoir vous entendre avec elle. Bien entendu, il n'est pas question de voler ou de forcer ces gens à faire quoi que ce soit. Enfin, vous allez être fouillé avant de partir pour vérifier que vous n'emportez pas, par étourderie, nourriture, couteau, boussole, montre, carte du pays ou même de l'argent. Vous avez beaucoup de chance, nous vous laisserons vos rangers avec leurs lacets. L'exercice est tellement simple. J'espère qu'il n'y a pas de questions, parce que je n'y répondrai pas. Dernier détail, qui va donner un peu de croustillant à l'affaire. Nous avons reçu des instructions de l'état-major pour renforcer la coopération entre les groupes d'instruction masculins et féminins. Les grandes huiles de l'état-major nous demandent de multiplier les exercices mixtes entre élèves officiers. En application de cette instruction, chaque groupe de 4 évadés sera formé de 2 d'entre vous et de 2 élèves officiers féminins de l'école de Marquet. Bien entendu, il n'est pas question de manifester devant le commandant un quelconque sentiment d'enthousiasme, mais un mince sourire apparaît sur les visages. Génial, l'armée d'aujourd'hui. Ils nous fournissent des filles pour nous soutenir le moral dans les moments difficiles. Riez bien! Reprend le commandement, qui a bien senti notre joie. Vous rirez moins quand vous en serez à la 23e pause pipi. quand vous devrez gérer les crises de nerfs ou quand il faudra porter les greluches sur votre dos pour continuer à avancer parce qu'elles auront des ampoules plein les pieds. Je vous souhaite bien du plaisir. » Nullement macho, le commandant. Le discours est terminé. Tout le peloton est renvoyé dans la cour. Un repas froid nous est distribué et rapidement avalé dans la lumière des phares du camion. La température est douce. C'est une belle nuit de début d'été. Une multitude d'étoiles scintillent au-dessus de nous dans un ciel clair. Je m'approche de Paul. On essaie d'être ensemble? Ouais, si on peut. À ce moment-là, le capitaine apparaît sur le seuil de la petite porte. Groupez-vous par deux et attendez devant cette porte qu'on vous fasse entrer. Très vite, un premier binôme entre. 10 minutes plus tard, le capitaine fait entrer le deuxième. Nous restons donc 14 dans la cour, en plus des chauffeurs qui fument ensemble un peu plus loin. À part quelques réflexions humoristiques destinées à détendre l'atmosphère, chacun reste silencieux. La journée a été épuisante et sans être vraiment inquiet, nous essayons d'imaginer une cavale de 48 heures avec deux filles. Les filles, c'est sympa, et tous nous aimons leur compagnie. Mais dans une balade éreintante comme celle qui nous attend ces deux jours, est-ce que ce ne sera pas encombrant? Le commandant n'a peut-être pas tout à fait tort. J'aimerais bien voir la tête des deux filles que nous allons percevoir. Enfin, il suffit d'attendre. Quelques minutes plus tard, le cinquième binôme est appelé. C'est nous. Paul entre le premier, je le suis. L'éclairage de la pièce n'a pas changé, mais une grande table a été posée qui la sépare en deux. Deux sergents, un lieutenant et notre capitaine nous attendent debout de l'autre côté. Nous nous approchons. Allez, on se déshabille. Toutes vos fringues sur la table. Allez, à poil, et plus vite que ça. Nous obtempérons. Les gradés fouillent toutes nos poches, glissent la main dans nos rangers, vérifient tous les ourlets de tous nos vêtements au cas où nous aurions tenté de dissimuler quelque chose. Quasiment au garde à vous, nus et grelottants dans cette pièce humide, nous n'avons d'autre chose à faire qu'aller regarder palper nos vêtements sous toutes les coutures. Je pense tout à coup que nos deux équipières n'ont pas été invitées à la fouille. Cela aurait pu faire un démarrage croustillant. « Ça vous fait rire, Guillaume ?»« Non, mon lieutenant. » Décidément, il va falloir que j'apprenne à mieux cacher ce que je pense. Ça risque de me jouer des tours. « C'est bon, récupérez vos affaires !» aboie le capitaine. J'attrape une de mes chaussettes et l'enfile sur un pied lorsque j'entends. « Non, mais vous ne croyez tout de même pas qu'on va attendre que vous soyez rhabillé ? Récupérez tout et filez par la porte du fond !» Je récupère mes rangers d'une main et mes vêtements en boule de l'autre. Je suis Paul qui s'est arrêté devant la fameuse porte du fond et hésite à en franchir le seuil. La pièce suivante est dans le noir total. Je n'ai pas le temps de réfléchir plus. Une forte poussée venant de derrière me précipite contre Paul que je bouscule. La porte s'ouvre. Avec l'élan, nous entrons et manquons de tomber sur le sol. La porte se referme derrière nous. Heureusement, des voix amicales nous chuchotent des conseils. Les 4 premiers binômes sont là, tassés dans le fond de ce petit réduit pour nous faire de la place et nous aider à nous rhabiller sans mélanger toutes nos affaires. C'est cela, la solidarité entre nous. Et c'est parce que nous faisons tout pour nous soutenir les uns les autres que nous arrivons à surmonter les épreuves qui jalonnent notre formation. Toute notre force est là, dans cette entraide permanente et inconditionnelle, sans laquelle nous ne pourrions pas tenir. Cela s'appelle la cohésion. Et c'est bien ce que les gradés cherchent à créer entre nous. Dans le noir total, j'identifie mes vêtements à tâtons et je m'habille sans traîner, car il faut que la place soit dégagée quand arriveront les deux suivants. Un peu plus tard, quand le dernier binôme est propulsé dans le réduit, la place disponible est saturée. Nous avons beau nous serrer, les deux arrivants ont juste la place d'entrée. Ils restent debout et se font rhabiller par ceux qui les entourent. Nous attendons ainsi une bonne demi-heure, nous prenant pour des sardines en boîte. Un clocher sonne au loin, il est minuit. Pour passer le temps, des plaisanteries fusent à mi-voix. « Bon, les gars, il va falloir vous serrer un peu plus parce que dans 3 minutes, ils vont faire entrer 20 filles complètement nues, et ce sera nous de les rhabiller dans le noir. » Dans ce cas, je ne sais pas pourquoi on a enfilé nos treillis, on aurait mieux fait de rester comme on était. « Eh les gars, arrêtez un peu vos fantasmes, vous vous excitez pour rien. Le commandant a oublié de vous dire, mais chaque binôme de filles sera chaperonné par une vieille adjudante acariâtre qu'il faudra traîner jusqu'à l'arrivée. » Rassure-toi, la vieille adjudante à cariâtre, je l'aurais larguée dans un fossé avant le troisième virage. Ce dépend. Il y a des vieilles qui sont bien conservées. Silence ! Entend-on crier derrière la porte. Chacun reprend le cours de sa méditation solitaire. En fait, je crois bien qu'une majorité est en train de se dire que s'il y avait un peu plus de place, on essaierait bien de s'asseoir et de piquer un petit roupillon. Nous sommes tous bien fatigués et les deux prochaines nuits risquent d'être très courtes. Enfin, la porte s'ouvre, un sergent nous fait signe de sortir, nous retraversons la première salle qui est maintenant vide et ressortons dans la cour. Un deuxième camion est arrivé et s'est garé contre le nôtre. Malgré l'obscurité, nous devinons rapidement qu'il y a du monde à l'arrière sous les bâches dans les deux camions. Les portes abattantes sont ouvertes, les marchepieds dépliés. Le capitaine se place à l'arrière du premier camion et une liste dans une main, une lampe dans l'autre, il appelle. Ferrand et Montagu, vous formerez le groupe numéro 1 avec Falici et Darmoise. Voici votre feuille de route. Montez, au fond, à gauche. Nous comprenons que les deux derniers noms que nous ne connaissons pas correspondent à deux minettes qui attendent sagement dans le camion et qui vont intégrer le premier groupe. Trois autres binômes, appelés tour à tour par le capitaine, viennent compléter ce premier camion qui part aussitôt. Le capitaine se déplace vers le deuxième. Guillaume et Martin, vous formerez le groupe numéro 5, avec Perrin et Arinakova. Au fond, à gauche, montez. Guillaume, c'est moi. Martin, c'est Paul. Perrin et Archimachin, ce doit être nos belles équipières. Enfin, belles, difficile à savoir. Il fait nuit noire et sous la bâche, il fait encore plus sombre. La faible lueur diffusée par la lampe du capitaine fait apparaître deux silhouettes sombres coiffées d'une casquette et assises sur le banc. Nous nous asseyons à côté d'elle et le capitaine appelle les autres binômes qui montent à leur tour. Le chauffeur remonte la porte arrière et démarre de suite. Le camion rejoint la route en reprenant le chemin défoncé par lequel nous sommes venus. Comme d'habitude, nous nous faisons sérieusement secouer et il s'agit de se cramponner. Curieusement, personne ne dit rien. Pourtant, nous aurions beaucoup de questions à poser à nos équipières, mais le conditionnement est tel, l'habitude de faire profil bas, que nous préférons nous taire et attendre d'être seuls, libérés de la surveillance dégradée pour prendre un premier contact. Nous roulons maintenant sur la route. Nous sommes moins secoués. Paul s'est agenouillé contre la ridelle. Il penche la tête à l'extérieur et observe vers l'avant la portion de route éclairée par les phares. Le camion freine brusquement et s'arrête. Paul se rassoit au plus vite. Le capitaine descend de la cabine. Le groupe 5, à terre. Nous sautons par-dessus la ridelle. Les deux filles nous imitent, en souplesse. Voici votre feuille de route. Ici le numéro de téléphone en cas de problème grave. Vous savez dans quelle direction vous devez partir ? Par là, mon capitaine, répond Paul en indiquant la direction d'où nous venons. Parfait, bon raid, à après-demain. Le camion repart et nous nous retrouvons seuls dans l'obscurité au bord d'une petite route déserte. Sans même prendre le temps de nous présenter, Paul déclare « Ne restons pas là, la route c'est trop dangereux. Il faut disparaître au plus vite. La rivière ne doit pas être bien loin, par là, à droite. Au moins, ce sera plus facile de se planquer si on se fait surprendre. Enfin, si vous êtes d'accord. » J'approuve. C'est évident qu'il ne faut pas rester sur cette route. Ok, répond une des filles. Nous nous enfilons dans le bois, tout droit à travers les broussailles. Paul fonce le premier, je le sens pressé. Il arrache les ronces à grande foulée sans se soucier des épines, qui doivent pourtant le griffer. Écarte les branches en se protégeant le visage de ses bras repliés. J'accélère la cadence pour le suivre et je sens que les filles font des efforts pour ne pas se laisser distancer. Heureusement, nous arrivons assez vite à la rivière. Les filles sont essoufflées, sans doute surprises par le rythme du démarrage, mais n'osent trop rien dire. En chuchotant, je me fais leur porte-parole. Dit Paul, on est obligé de se précipiter comme ça. Désolé, mais j'ai le pressentiment qu'ils nous ont volontairement largués dans un piège. Longeons la rivière le plus discrètement possible. Une petite sente, sans doute un passage de chasseurs ou d'animaux, suit le cours d'eau. Aidés par la faible lumière d'un croissant de lune, nos yeux qui sont habitués à l'obscurité nous permettent de voir le minimum pour nous suivre sans nous percuter ni nous perdre de vue. Nous avançons rapidement et assez facilement. Je me dis que ça y est, nous sommes partis. Je savoure cet instant particulier. Pour le moment, je suis en excellente forme. Je ne suis pas trop fatigué. J'ai l'estomac plein et je n'ai mal nulle part. Je n'ai ni froid ni trop chaud, pas même soif. La douceur de cette nuit de juin et la présence des filles confirment l'ambiance petite balade nocturne en camp de vacances. Si nous pouvons continuer à avancer comme ça pendant 48 heures, tout sera pour le mieux. Et finalement, ce raid, tant redouté, ne sera peut-être pas si terrible. Tout à coup, un bruit de camion, des phares sur la route qui nous paraît bien proche, un coup de frein, des cris. Un camion s'est arrêté avec les phares braqués dans notre direction. Heureusement, la végétation broussailleuse du bois limite beaucoup leur portée. Immédiatement, nous nous sommes arrêtés et accroupis. Paul, qui marchait en tête, se retourne vers nous et dit « Je m'en doutais. » Le camion doit être à une centaine de mètres. Il doit transporter une vingtaine de bonhommes du plastron qui en descendent bruyamment. Un gradé crie des ordres pour les placer en position sur une ligne entre la rivière et la route et ratisser tout le bois. Ils vont évidemment venir dans notre direction. Heureusement pour nous, leur mise en place dans ce sous-bois broussailleux ne va pas tout seul. S'ils avancent comme ça, ils vont forcément nous trouver, commente Paul. D'un regard circulaire, ils cherchent une issue par où nous échapper. Nous sommes dans une étroite bande de terrain boisé, coincé entre une route facile à surveiller et la rivière qui nous barre le passage. « Je ne vois qu'une solution, » ajoute-t-il. « Il faut traverser la rivière. Tout le monde sait nager. » Pas de réponse. Pourtant, la perspective de se plonger dans cette eau remuante, noire et froide, ne nous enchante pas du tout. De plus, si la largeur, 10 à 15 mètres environ, ne paraît pas excessive, nous n'avons aucune idée de la profondeur. Paul se fait pressant. « On n'a pas le choix, il faut y aller, et vite, ne traînons pas. Pas le temps de nous déshabiller, ils sont là dans quelques minutes. » Sans attendre notre accord, Paul, donnant l'exemple, se faufile entre deux buissons et se laisse glisser dans l'eau les pieds en avant. Il en a jusqu'à la ceinture. Immédiatement, il se lance dans la traversée. Je jette un coup d'œil inquiet aux filles qui s'approchent à leur tour. Elles ne sont sans doute pas ravies, pourtant elles n'hésitent pas. Juste après, je m'assois sur la berge et me laisse glisser sur l'herbe du talus comme sur un toboggan. Mes pieds et mes jambes s'immergent d'un coup. L'eau froide me remplit les rangers et me saisit jusqu'au haut des cuisses. Je me force à marcher le plus vite possible et je progresse derrière les filles. Je concentre mon regard sur une masse claire qui doit être la rive d'en face. L'eau continue de monter jusqu'à mon ventre puis jusqu'à ma poitrine et me fait frissonner. J'ai besoin de toute mon énergie pour continuer à avancer. Le courant, qui n'a pourtant rien de violent en cet endroit, me pousse fortement de côté, et le sol de Galeron n'étant pas stable, je manque de tomber à chaque pas. Les deux filles se tiennent par la main pour être plus stables. Elles continuent leur progression sans rien dire. Quand j'arrive au milieu de la rivière, je suis tenté de me mettre à nager, mais avec les rangers au pied, j'ai peur que ce soit difficile et bruyant, car évidemment, pour corser la difficulté, nous devons faire le minimum de bruit. Heureusement, à cet endroit, la Devon ne fait qu'une quinzaine de mètres de largeur, et nous avons pied partout. Très vite, nous commençons à remonter vers l'autre berge. Les deux filles avancent toujours, juste à côté de moi, se tenant toujours l'une à l'autre, presque sans bruit. Je me retourne. Derrière nous, dans le bois que nous venons de quitter, les faisceaux des lampes torches s'agitent en tous sens. On devine une agitation fiévreuse. La ligne de nos poursuivants atteint presque le point où nous nous sommes mis à l'eau. Cela nous pousse à franchir encore plus vite les quelques mètres qui nous restent. Enfin, nous atteignons l'autre bord. Nous n'avons plus de l'eau qu'à mi-cuisse. Nous pataugeons dans les branches basses et les plantes aquatiques qui gênent notre progression et nous entravent les pieds. Devant moi, Paul se retourne à son tour pour connaître l'avance de nos poursuivants. Nous nous regroupons et nous retrouvons sur une seule ligne pour sortir de l'eau. Je veux m'élancer pour gravir d'un bond le talus haut comme un mur qui forme la berge, mais Paul me retient. « Reste là !» Je m'accroupis dans l'eau à côté de lui. À ce moment, le faisceau d'une puissante lampe torche balaye notre rive. Les deux filles se sont aussi accroupies derrière un arbuste et ne bougent plus. Avec la végétation qui nous entoure, nous sommes quasiment invisibles, à condition de rester immobiles. Pourtant, le faisceau lumineux repasse. Peut-être, dans notre précipitation, avons-nous laissé des traces sur l'autre rive en nous glissant dans l'eau? Nos poursuivants vont-ils tenter de traverser à leur tour? Dans ce cas, il va falloir escalader ce haut talus et d'étaler au plus vite pour avoir une chance de les semer. Mais non. La torche et son porteur reprennent leur cheminement sur la berge opposée, tout en conservant l'alignement approximatif avec les autres lampes plus loin dans le bois. Le râteau continue sa progression. Nous avons échappé à ses dents. Nous restons encore une bonne minute immobiles dans l'eau, puis, tout danger paraissant écarté, nous nous relevons. Personne n'ose encore parler. Seul Paul prend la parole et lance en chuchotant « Allez, finissons de nous sortir de là !» En deux pas, nous sortons de l'eau et nous n'avons plus qu'à escalader les 3 ou 4 mètres du haut talus qui forme la berge. Cette masse claire que nous avons aperçue depuis l'autre rive est très raide et formée d'un mélange de terre sablonneuse et de pierres instables, avec très peu de végétation. Paul, le premier, se lance à l'assaut de ce mur. Je l'imite quelques mètres plus loin. Mais sur cette pente constituée d'éboulis, après avoir grimpé 2 mètres à peine, je n'arrive plus à progresser. Mes genoux glissent dans la poussière, et les arbustes que je tente d'empoigner me restent dans les mains. Aucune autre prise n'est disponible. Paul ne fait guère mieux. Nous nous regardons d'un air piteux. Impossible de monter par là. Un bruit d'éboulement attire alors notre regard vers notre droite. La plus grande des 2 filles a réussi à prendre position sur une racine à mi-hauteur et elle aide l'autre à grimper. En quelques tractions escaladant sa compagne, celle-ci se retrouve en haut. « Par ici !» nous appelle la première, qui est toujours cramponnée à sa racine. Elle nous tend la main. Nous abandonnons notre position et nous nous laissons glisser jusqu'à l'eau. Le premier, je retente l'ascension juste sous notre amie qui me tend la main. Dès que je peux la lui saisir, elle me tire à elle avec une force incroyable. Aussitôt, je peux me redresser à son côté. Puis, de ses 2 mains, elle me fait la courte échelle. J'hésite 1 seconde à utiliser une fille comme un escabeau et à mettre ma Rangers boueuse et mes 82 kilos dans ses mains délicates. Mais il faut bien sortir de là. D'un bond, je m'élance et prends appui de l'autre pied sur son épaule. D'en haut, son ami me tend une main un peu moins solide, mais qui m'aide à me rétablir au sommet. Presque aussitôt, Paul arrive par le même chemin. À nous deux, couchés au sol et en nous penchant, nous parvenons à saisir les 2 mains de notre sauveteuse et la tirons jusqu'en haut. Enfin, nous nous reculons de 2 mètres et nous pouvons faire la première pause de notre périple. C'est la dernière arrivée, la plus costaud, qui parle en premier. Nous ne devons pas être belles à voir. En effet, complètement trempés avec une bonne couche de poussière collée par-dessus, on doit ressembler à des poissons panés. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis gelé, si on reste comme ça, on est bon pour une bonne crève. Paul n'a encore rien dit. Il s'est assis sur une pierre et reprend son souffle, puis constate. « Il nous en manque une. »« Elle ne doit pas être bien loin, » répond sa compagne. « Tiens, la voilà. » En effet, la plus menue des 2 filles, arrivée la première, est partie explorer les environs. Elle revient en trottinant légèrement.